Bon allez, let's go. 3, 2, 1. Random. Contre-culture hacker. Big Image. Liberté numérique. Société de l'information. Casse-gorge sur deux. De 19h à 20h. Sur Radio Campus. Sur Saucisse Pois Chiche FM. Saucisse Pois Chiche FM. Sur Radio Campus. 106,6 MHz. Saucisse Pois Chiche FM. Un dimanche sur deux. Bidouillage. Ni filtrage, ni censure, nous voulons le net, libre et ouvert. Actualité. De 19h à 20h, un dimanche sur deux. Random. Sur Radio Campus. Random. C'est pas une bonne idée. Si quelqu'un d'autre veut le faire, veut le faire. Donc bonsoir et bienvenue sur Radio Campus pour ceux qui nous rejoignent, 106.6 FM, c'est Random la 39, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, déjà Random 39. Voilà, et de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors déjà, Yaman Martigan à la technique. Oui, voilà, déjà. La technique, c'est Michel. Le live jockey, c'est Momo. On lève les bras bien haut, allez, c'est parti. On l'a fait la semaine dernière, celle-là. Putain, c'est nul. Voilà. Et nous recevons donc un invité super extraordinaire, tout ça. Qui va nous parler donc de les RSSIL, quoi qu'est-ce, le truc à Maubeuge. Salut Maxime, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Campus. De Canal Plus, voilà. Canal Plus, première chaîne cryptée de France. Canal Campus, vous savez. Donc bonsoir à tous, voilà. Merci pour l'invitation. Non mais il n'y a pas de problème, tu me remercieras après, parce qu'on ne remercie pas les gens avant. Au sommaire de Random 39, des actus locales. Oui, Lambin qui démissionne. Ouais, parce que faut juste pour signaler hein, qu'il y a des modifications structurelles au conseil d'administration de la mairie de Lille qui nous intéressent. Voilà. Donc voilà. Actualité du logiciel libre, on verra une implémentation, un émulateur PC carrément écrit en JavaScript. Qui est pas libre. C'est pour ça qu'on l'a mis dans l'actualité du logiciel libre. C'est normal. Clin d'œil à l'écho des gnous, à l'excellente émission des grands marabouts, ouais. De Radio Campus. Actualité du milieu hacker. On parlera du Chaos Communication Camp. Camp. Puisque les tickets sont en pré-vente, donc voilà. Suite dans la rubrique censure filtrage internet, on parlera de l'IG8. Un G8 pas hygiénique. Ensuite, on fera un petit tour sur Adopi dans notre culture, c'est la vôtre, ou inversement. Et ensuite, on parlera de la société Trident Media Guard, qui nous en a fait une belle. Donc, n'ayez pas peur, faites-nous confiance. Et aussi de Sony, c'est ça? Oui. Ouais, on va parler un peu de Sony pour le fan. Parce qu'en fait, il y a tellement de liens, je suis obligé de tourner deux pages pour voir la news suivante. Vous en rêviez, Sony l'a fait. Ouais, c'est clair. Donc, là, ils sont lâchés aussi. Et Google, il se passe quoi avec Google alors? Bah, y a des millions de profils Google qui se retrouvent dispo sur Internet, machin. On en reparlera vite fait, c'est juste pour dire. Je pense que ça sera le feuilleton. Ça sera un des feuilletons à suivre pour cet été. D'accord. C'est un peu dans le même thème, hein, un petit peu là. Tout oui, voilà, c'est pour ça que je pense que c'est le feuilleton de l'été. Voyez-vous, le tube de l'été de TF1, chez Random, on a le tube de l'été, mais au mois de mai. Ouais. Voyez-vous. Ensuite, on parlera des RSSIL à Maubeuge. Donc les superbes rencontres des solutions de sécurité et d'informatique libre. Voilà. Organisé par la superbe association HackIssy. Ça aura lieu, on l'a déjà annoncé dans Random, mais ça aura lieu donc les vendredis 27 et samedi 28 mai prochain, c'est-à-dire vendredi prochain. Donc voilà, et les invités viendront sont déjà là pour nous en parler d'ailleurs. Et ça sera super, méga, top, génial. Voilà, avec pour finir un agenda comme d'habitude, tout ça entrecoupé de petites pauses musicales assez chiptune aujourd'hui. C'est chiptune aujourd'hui? Ah ouais, c'est... Et la semaine dernière, c'était pas chiptune? Bah là, c'est plus quand même. D'accord. Bah, il y a des degrés, et là, on est pas mal. D'accord, on est vraiment chiptune. Ouais. Bon, on va commencer, peut-être. Yes. Allez, ouais, 19h05, ça va, on est encore à peu près dans les temps. Actu local, juste pour dire que Monsieur Frédéric Lambin, donc qui était conseiller municipal MoDem de la mairie de Lille, il était conseiller municipal délégué aux nouvelles technologies, a démissionné de son poste, ce qui veut dire qu'il n'est plus effectivement également président de Lille Grand Palais. Il a démissionné de son poste pour s'occuper de... Enfin, parce qu'il dit avoir trop de casquettes, machin, trop de postes élus, tout ça. Donc, il démissionne de son poste. Et, un autre élu a été nommé à sa place. Et c'est l'adjointe, enfin, la déléguée à la culture qui récupère... à la culture et aux arts numériques. Une autre élue MoDem, donc Jaël Lannoy, qui récupère la délégation aux nouvelles technologies. On lui souhaite bon courage et on espère pouvoir avoir contact avec elle, notamment pour ce qui concerne le Hackerspace, le localhost. Donc voilà, l'actu du logiciel libre, alors c'est pas libre, mais techniquement c'est super beau. Fabrice Bellard, donc le développeur de QEMU, de FFmpeg et d'autres projets dont on avait déjà parlé dans Random il y a quelques temps, je me souviens plus quand. Mais... Ouais, dans un projet pour calculer pi. Ah oui, exact, tout à fait. Ça fait un petit moment qu'on avait parlé de ça. Ouais, bon. Effectivement. Et ben, il remet ça avec un émulateur de PC sous Linux, enfin de PC qui fait tourner Linux en JavaScript, putain. Ouais, alors pour l'instant la démo, ouais, effectivement, elle fait tourner Linux, mais c'est pas rédhibitoire, hein. C'est vraiment un émulateur PC au sens large, donc l'objectif un peu aussi, ouais, c'était de faire tourner des vieux jeux sous DOS, enfin l'objectif, si on peut... Si tant est qu'il y a un objectif à un projet pareil. Voilà, donc moi j'ai testé vite fait, c'est quand même assez bluffant, hein, parce que ça répond, on peut passer nos petites commandes habituelles. C'est rapide, machin, ouais, voilà. Bon, ça demande le dernier Chrome, enfin l'avant-dernier Chrome... Et le dernier Firefox 4. Ouais, voilà, c'est que faut un moteur JavaScript assez récent. Parce que c'est basé sur les... Les table d'array, je crois, machin. Les table d'array, c'est sorti avec WebGL. Et c'est encore en prod, quoi. C'est pas... En test. Ouais, voilà. Donc, voilà. Mais c'est super, super beau. Vous pouvez aller voir ça sur le site web de Fabrice Bellard, dont j'ai plus l'URL, mais vous tapez son nom, Fabrice Bellard, et vous tombez sur ce super truc. C'est vraiment bluffant. Hein. Ouais. Il pensait justement faire des benchmarks un peu sur les différents moteurs JavaScript qu'il y avait. Ouais. J'ai vu. Et franchement, c'est juste fou, quoi. Voilà. C'est juste fou. Un émulateur PC. Alors, ça émule le 486. Mais il n'y a pas les instructions MMX et il n'y a pas les calculs en virgule flottante, il me semble. Ouais, il y a quelques limitations. Ouais. Donc c'est pas non plus... voilà, mais c'est juste que c'est fait en JavaScript, putain. Bref, on n'arrête pas le progrès. Maestro Jingle pour l'actualité du milieu hacker. Ouais, j'étais pas du tout dans les jingles. Oh là là là là. Bon, c'est pas grave. Ouais, vas-y. Actualité du milieu hacker. Le Chaos Communication Camp, donc qui aura lieu, pour rappel, du mercredi 10 au dimanche 14 août 2011, à Finowurt, près de Berlin, en Allemagne. Tu peux le redire, s'il te plaît ? Finowurt. Ah, ok. Non, c'est bien. Et j'ai fait allemand LV1, putain. Ah non, mais ça se voit. Ça se sent. Et Finowurt, qui doit vouloir dire une saucisse fine. Oui, ou c'est le fondu yaourt, je sais plus lequel, parce que c'est très proche en fait. Mais, D'accord, ok, bon, c'est pas grave. Donc, le Chaos Communication Camp, c'est un énorme événement qui est probablement... on va dire le deuxième plus grand événement européen en matière de hacking, le premier étant les RSSIL. Ouh. C'est vrai. C'est vrai, il faut le dire. Il y a encore un peu de travail de leur part, ils finiront par nous rattraper. Hein. Il faut parler vraiment près du micro. Il y a encore un petit peu de travail de leur part, ils finiront par nous rattraper si on se méfie pas. Oui, voilà, je pense, ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est un truc qui a lieu tous les 4 ans, depuis une vingtaine d'années. Donc l'idée, c'est de pour un gros week-end, donc un week-end de 5 jours qui commence le mercredi, qui finit le dimanche, de ramener tous les hackers d'Europe sur un camping, un espèce d'énorme festival à ciel ouvert, qui a lieu une fois tous les 4 ans, et en décalage de 2 ans avec un autre festival du même genre, un autre camping du même genre, qui a lieu tous les 4 ans aussi, en Hollande, aux Pays-Bas. Donc à chaque fois, c'est vraiment l'événement de l'année en Europe. Et donc là, ben voilà, les préventes sont disponibles. Les préventes pour les tickets sont disponibles depuis cette semaine, depuis même il y a 2 jours en fait, depuis le 20 mai. Je vous donne juste un petit aperçu des tarifs. Donc en prévente, donc pour le ticket standard, 140 euros. Donc je rappelle que c'est pour les 5 jours. 140 euros en prévente, 175 euros sur place. Pour les up and coming hackers, alors ça je sais pas trop ce que c'est pour les moins de 18 ans. Pour les moins de 18 ans, 50 euros en prévente et 50 euros sur place. Pour le business ticket, c'est pour les amateurs du stick et de solutions Linux, on a 850 euros en prévente et 850 euros sur place. Donc c'est vraiment le ticket corporate pour les entreprises qui veulent envoyer des gens faire des confs ou suivre des confs, j'imagine. Et pas être en camping. Ah, et pas être en camping. Je pense, ouais. D'accord, ok, ouais, y a peut-être ça aussi. Ah oui, donc 850 euros, ça paye le camping. La bouffe et puis l'hôtel, à mon avis. Ouais, l'hôtel, ouais. C'est peut-être l'hôtel de Disneyland Berlin. On en reparlera tout à l'heure. Et le supporter ticket, 200 euros ou plus, que ça soit en prévente ou sur place, ça permet de financer l'événement des gens qui donnent un peu plus que le ticket de base. Donc standard ticket, 140 euros. Et en prévente et 175 euros sur place. Je pense qu'il y aura du covoiturage et du voyage en groupe qui s'organisera au moins à partir de Paris. On vous indiquera ça de toute façon dans les prochaines émissions de Random. Donc ben voilà, c'est vraiment, je pense qu'il faut bloquer ce week-end là si vous avez la chance d'avoir des congés. Et la chance d'avoir un boulot qui vous permet de vous payer le voyage jusqu'à Berlin. Et puis un week-end de 5 jours aussi. C'est... Et puis un c'est week-end déjà de 5 bon jours. Week-end. Voilà, ouais. Donc du mercredi 10 au dimanche 14 août 2011, ben c'est important. Et voilà, et il va encore y avoir plein de trucs fous. Et, ouais, et puis en plus, ça tombe tous les ans, enfin tous les 4 ans, pendant la nuit des étoiles. Donc faire du camping à cette époque-là de l'année, c'est quand même. Ouais, mais tu sais, à Berlin, en fait, à cette époque-là de l'année, il fait quand même 35 euros. Il fait quand même 35 degrés. Putain, 35 euros. Non, je suis vraiment pognon en ce moment, ça va pas du tout. Il fait quand même 35 degrés la nuit, donc de toute façon. Puis c'est Berlin. Puis c'est avec Berlin. La bière, c'est tous les soirs la fête des étoiles en fait. Ouais. C'est génial. Vite fait, censure, filtrage d'internet et neutralité des réseaux. Censure. Censure. Censure. Filtrage d'internet. Filtrage d'internet. Et neutralité des réseaux. Neutralité des réseaux. Et ça, c'est magnifique. Le jingle attend et tout. Donc le G8. On va parler simplement du G8 pour. Je vous lirai le communiqué après, je pense. On fera une pause et puis. Je vais le lire avant et puis on fera une pause après. Ou... Ça dépend de toi, c'est toi. On fera deux pauses, peut-être. Ouais, on fera deux pauses, allez. Allez, on fera deux pauses, comme ça sera bien. Juste pour vous introduire l'idée du G8 de l'Internet. Donc le G8 de l'Internet aura lieu les mardis 24 et mercredi 25 mai prochains, c'est-à-dire mardi et mercredi qui viennent, à Paris. À Disneyland. Non, c'est pas à Disneyland. Non, c'est pas à Disneyland. Donc, ce sera journée des Tuileries, c'est-à-dire en fait entre le Louvre et la place de la Concorde, c'est-à-dire vraiment entre l'ancien palais des rois de France et l'ambassade des États-Unis. Tu vois. Bon endroit donc. Un bon endroit donc, et l'hôtel Crillon aussi, me semble-t-il. Et donc en fait, ça se passera dans une grande tente. Et la Scala aussi, pas loin. Non, la Scala de Milan. Ah ouais, la Scala. Ouais, putain. Non mais t'arrêtes. C'est Radio Campus Lille ou Radio Campus Paris? Et par contre, en fait, le Queen se trouve un peu plus haut dans les champs. Donc, ça va se passer dans une tente. En fait, c'est autorisé parce que l'amendement 32 terres de la LOPCI a été viré. Rappelez-vous que c'est autorisé les rassemblements dans des tentes, y compris en centre-ville de Paris. Donc, la genèse de cette histoire, elle a été réveillée par Marianne, donc un magazine démago, de droite, machin, mais qui, bizarrement, est anti-sarco, je comprends pas la ligne éditoriale de Marianne, décidément, et qui balance donc un dossier sur les questions de neutralité du net et de censure et de filtrage d'Internet, tout ça, tout ça. et qui balance une info rigolote, qui disait que Bernard Kouchner voulait, quand il était ministre du Quai d'Orsay, les affaires étrangères, il voulait faire un truc sur l'internet libre, machin, c'était 6 mois avant le printemps arabe, notamment la possibilité d'héberger en France des blogs pour les dissidents des pays qui subissent la dictature, que ça soit en Chine ou ailleurs. C'est pas forcément aux pays, aux dictatures du monde arabe. Et en fait, il a tenté de le faire, etc. Il a pris des contacts internationaux, notamment avec le gouvernement des Pays-Bas. Et Nicolas Sarkozy a complètement refusé cette idée. Et plus tard, il en a carrément piraté l'idée pour en faire un G8. G8 de la censure d'Internet. Donc, dont le programme est sorti cette semaine. Donc, c'était un peu la news de la semaine, machin. Le G8 d'Internet, qui c'est qui va y être, tout ça. Donc, sans surprise, on aura Facebook, on aura du Microsoft, on aura du Google, on aura du France Télécom, on aura du Mythic. Et puis on aura la Hadopi, on aura plein de gens super funky, super sympas, qui veulent que du bien à notre beau réseau. Et le fameux Conseil National du Numérique. Et oui, tout à fait, qui s'y invite, je crois, un peu. Qui est invité d'ailleurs. Il est invité vraiment De manière tout à fait officielle, le CNN. Alors, le discours du président de la République française, du fameux président de la République française, c'était que le CNN devait être. Demain, quelque chose qu'on puisse exporter dans les autres pays d'Europe et du monde. Là, ils les ont invités. Ils ont invité le CNN, le CNN, le CNN International Center. Le CNN a siégé à l'IG8 et ils feront probablement partie de la petite communauté des gens qui iront jusqu'au G8 à Deauville. C'est génial. Ils vont aller à Deauville au casino. Je sais pas s'ils vont aller au casino, je sais qu'ils vont aller discuter avec certains, d'accord, entre guillemets, grands de ce monde, dont on se demande toujours pourquoi notre président fait partie. On rappelle la devise du CNN International Center, l'information c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons. et puis je vais vous faire une petite pause, c'est juste... Enfin, je vais vous faire une petite pause, mais n'importe quoi. Une petite lecture. On va faire le groupe des Générés Sciences Lille a donc publié un communiqué pour s'opposer à la tenue de ce G8 de la censure d'Internet. On va faire une petite pause musicale et puis vous en ferez lecture juste après. Restez bien sur les ondes de Radio Campus, Saucisse Pois Chiche FM, Stéréo, La Totale, Radio Campus, la plus libre des radios depuis 1969. Que vous deviez respecter mes ordres à la lettre. Je sais, mais j'ai envie de prendre les commandes. Nous voulions assurer votre protection. Ne sois pas ridicule. Mon ordinateur. Tu es dans la matrice. Mes ordres à la lettre. Et j'ai envie de prendre les commandes. Contre-culture, hacker, bidouillage, liberté numérique et société de l'information, c'est Random, l'émission radiophonique du groupe Dégénérescence Lille. Regarde par toi-même. Quoi ? Tout de suite ? Oui, tout de suite. Voilà, donc vous avez écouté, enfin entendu ou écouté, ça dépend des gens. Mario 2, c'était un drum remix par 8-Bit Ripon. C'était justement. Juste excellent. C'était rigolo. C'était bien. Je vais vous faire lecture donc du communiqué de presse publié, enfin du communiqué de presse et du communiqué tout court du groupe Dégénérescence Lille, donc groupe de hackers de Lille et des environs, qui a été publié, enfin que nous avons publié donc cette semaine. Il s'intitule IG8, non au G8 de la censure d'Internet. Et je vous lis immédiatement. Les mardis 24 et mercredi 25 mai prochains aura lieu à Paris un événement international d'un nouveau genre, le G8 de l'Internet. Prévu en tant que préparation au G8 de Deauville, jeudi 26 et vendredi 27 mai, il a été organisé selon les souhaits de Nicolas Sarkozy, qui est également l'actuel président du G8, afin de légitimer au niveau international sa vision de « l'Internet civilisé », entre guillemets. Il a donc pour cela réuni à la fois les organisations les plus en pointe dans la lutte contre la liberté d'expression et les entreprises championnes dans l'art de générer du profit grâce aux informations personnelles et privées des citoyennes et des citoyens. Ainsi, Microsoft, Facebook, Google ou encore France Télécom seront représentés et participeront aux discussions officielles, bien qu'interdites au public, avec les dirigeantes et dirigeants des 8 pays les plus riches du monde. Le contenu annoncé de ces discussions ne laisse aucun doute sur les intentions réelles des personnes qui y assisteront. Il s'agit principalement d'harmoniser les législations en matière de censure des réseaux de communication au nom de la lutte contre le terrorisme et contre le partage d'informations soumises à droit d'auteur. Le président Sarkozy souhaite promouvoir son Adopi et Salopsi, et il passe à l'offensive en réunissant les soutiens internationaux acquis à sa cause pour s'organiser, se synchroniser et passer à l'action. C'est surveiller et punir, tout en générant un maximum de profit. D'un côté, la loi sur la sécurité quotidienne, la LSQ de 2001. La loi sur les droits d'auteur et les droits voisins dans la sécurité, dans la société de l'information, la loi DATSI de 2006. La Adopi et la censure gouvernementale d'Internet introduite par la toute récente LOPSI. De l'autre, la loi pour la confiance dans l'économie numérique, LCEN 2004. La création d'un secrétariat d'État à l'économie numérique, transformé depuis en un ministère. Et la remise de la Légion d'honneur au PDG de Microsoft. Ce sont les deux volets d'une politique simple et cohérente. Internet serait au mieux un agrandissement de l'espace marchand, et au pire une régression de la démocratie qu'il s'agirait de civiliser. Civiliser entre guillemets, je précise. Ce sont les deux volets d'une politique globale qu'il s'agit de rejeter en bloc, car la démocratie ne saurait exister entre le marteau répressif et l'enclume marchande. Mais ce G8 de la censure d'Internet est le reflet global d'une idéologie politique dont les effets se font également sentir localement, au plus près de chacun et de chacune d'entre nous. Politique municipale sécuritaire, promotion de la surveillance généralisée des lieux publics, mise en place de technologies de suivi des déplacements, comme par exemple la future carte RFID de Transpol, prévue pour l'an prochain. Urbanisme soi-disant moderne, conçu pour empêcher les émeutes et maximiser le rendement publicitaire, c'est le cas de Rallye 2, un quartier qui est en train de se construire ici à Lille. Nous sommes donc toutes et tous face à des enjeux globaux contre lesquels il faut se mobiliser localement, favoriser la liberté de circulation de l'information, s'organiser pour protéger notre vie privée, tout en refusant la marchandisation de nos données personnelles, et refuser partout le discours de la peur. Aucune CNIL ne nous sauvera des décisions prises lors de ce G8, seule la vigilance et l'action citoyenne le pourront. C'est signé du groupe Dégénérescence Lille en mai 2011. Donc voilà, c'était la lecture de notre communiqué qui est paru cette semaine. Voilà, moi j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce communiqué. Simplement, il faut bien se rendre compte que ce G8 de l'Internet, il va avoir des conséquences. Il va avoir des conséquences internationales. Ça vient de France. Donc c'est pas comme si une dictature machin imposait un traité international. C'est vraiment le soi-disant pays des droits de l'homme qui souhaite faire une législation internationale, qui y va de manière diplomatique en faisant ça dans le cadre d'un G8. Il faut une mobilisation là-dessus parce que c'est important et que derrière c'est notre avenir qu'on joue et l'avenir du réseau et l'avenir de nos démocraties. Donc voilà, en parlant de démocratie, un point que j'avais oublié de signaler avant la lecture de ce communiqué, c'est qu'il y a des choses très rigolotes parmi les invités. On a des choses comme Facebook, Microsoft, Google, Mythic, France Télécom, plein d'acteurs comme ça, de la Adopi, bref, que des acteurs assez, assez intéressants, mais sur lesquels on se dit il y a une légitimité. La Adopi, c'est quand même un truc de, c'est quand même un truc gouvernemental. Facebook, Google, MSN, machin, c'est quand même des gros sites internet. Les personnes de Wikipédia sont invitées également. Le fondateur de Wikipédia est invité. Et puis à côté de ça, on a des petites boîtes, par exemple Greenworking ou Worky, des entreprises immatriculées au registre des sociétés depuis genre 3 ou 4 mois. Et en fait, ces deux entreprises ont pour point commun d'être présidées par une personne qui est l'une des têtes d'un mouvement de jeunes UMP. On voit bien les incohérences de ce truc qui est censé être un gros truc et qui en fait est un truc de business et aussi un truc de contrôle social. Voilà. Carrément. En plus, c'est un peu, c'est encore plus dégoûtant entre guillemets quand on voit un peu le projet de base de Bernard Kouchner de tout à l'heure, où il y avait vraiment des choses intéressantes, et il a repris en fait le concept et il a carrément retourné. Oui, c'est vraiment un piratage de. Voilà. À savoir que quand il a envoyé la lettre à Bernard Kouchner pour lui dire, écoute, mon coco, ton idée, moi je la vois différemment. Bernard Kouchner, avait menacé de démissionner et il a été remplacé par Michel Yomari quasiment dans la foulée. Quoi. Ouais, c'était au mois d'octobre et il a voilà. Le remaniement ministériel, c'était au mois de novembre. Ça tombait bien. C'est bon. Donc voilà un peu comment le président Sarkozy traite. Le dossier des libertés numériques à l'heure actuelle. Voilà un peu comment la droite qui soutient la politique de ce président, quel est le projet social qui est derrière cette idée-là. Parce qu'il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas simplement des lois qui sont faites comme ça. Je vais vous faire l'historique juste après de TMG, de comment on en est arrivé à cette situation-là avec cette entreprise-là. Vous verrez que c'est pas s'il y a un projet social global derrière et des idées qu'il faut démonter globalement et pas simplement en se limitant à des thèmes plus ou moins précis, la neutralité du net, les logiciels libres. Non, il faut tout refuser en bloc et c'est non négociable. On va pas avoir beaucoup de temps donc parce que si on veut pouvoir faire l'interview, ça va être dur. Donc on va tout faire tout de suite. Ça va être chaud pour une pause musicale, je pense. Allez-y, vous en priez. Donc j'embraye tout de suite. En fait, juste pour vous dire que la présidente de, enfin le je sais plus qui, a déclaré en interview officielle qu'elle ne voulait pas donc du grand firewall européen au niveau de l'Union européenne. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si c'est juste des déclarations d'intention. Google s'est déclaré défavorable au filtrage et donc à la censure gouvernementale d'Internet. Ça met un petit peu de l'ambiance avant le G8, je pense. Ouais, il a même dit qu'il était prêt à aller jusque devant les tribunaux si c'était nécessaire, quoi. Ouais, donc c'est voilà, ça met un petit peu d'ambiance. On voit que c'est Google qui défend la liberté, quoi. C'est vraiment le jeu de dupes dans lequel on se trouve. Et puis bon, une news un peu qui illustre un petit peu le climat actuel. Le parti pirate allemand qui avait mis à disposition une partie de son site web, enfin une application web pour un certain nombre d'activités liées à la défense de WikiLeaks au mois de décembre. La justice française a demandé à la justice allemande d'aller perquisitionner et saisir les serveurs, notamment les serveurs web, du parti pirate allemand, c'est-à-dire d'un parti politique officiel et déclaré, et qui a des candidats déclarés dans les élections en Allemagne. L'Allemagne est en période électorale en ce moment. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est la justice française qui vraiment se bouge sur les dossiers liés aux libertés numériques pour vraiment annihiler les mouvements de contestation. Rapidement, notre culture, c'est la vôtre. Ouais, vas-y, Michel. Bon, ouais, tant pis pour le jingle. Ouais. La Adopi est en pleine communication en ce moment. Il y a eu la visite du ministre Mitterrand. Donc ministre de la Culture, donc du coup la Adopi fait pas mal de communication là-dessus. Pourtant, en fait, on voit ressurgir des anciennes affaires, notamment l'affaire de l'employé de TF1, le salarié de TF1 qui avait été qui avait envoyé en fait avec son adresse email personnelle qui avait envoyé un mail à sa députée. à Paris, et qui s'était fait virer de TF1 pour avoir défendu une position anti-Adopi à caractère personnel. Ben, le procès est en cours en ce moment. Un autre procès qui a été résolu, c'est l'histoire du logo contrefait de la Adopi, puisque la Adopi au départ utilisait une police d'écriture qui était sous copyright. Donc voilà, la Adopi qui condamne les pirates et qui pirate son logo. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Comme quoi en fait on voit un petit peu le grand n'importe quoi dans lequel on se situe, et on voit qu'au lieu d'avancer sur des lois ridicules, on ferait bien de se poser 5 minutes et de réfléchir. Et de regarder un petit peu les différentes pistes de réflexion qui ont été faites en France. Je pense à la licence globale ou au mécénat global. Ou à d'autres solutions. Peut-être par exemple une sortie du capitalisme, moi j'en sais rien. Mais voilà, des solutions à ces problématiques-là que ce gouvernement n'a pas l'air d'être vraiment disposé à écouter. Oui, puis des acteurs du milieu qui nous sanctionnent, etc., et qui n'ont une faible maîtrise du milieu, quoi, du sujet, en fait. Bah oui, des gens qui ne connaissent pas grand-chose. On va reparler de gens qui ne connaissent pas grand-chose juste après. Et sinon, pendant ce temps-là, pendant que la Adopi fait sa pub, le Conseil national du cinéma confirme la fréquentation record des salles de cinéma pour 2010. Autrement dit, les Françaises et les Français n'ont jamais été autant au cinéma. C'est un record de fréquentation depuis les années 60, c'est-à-dire avant les chocs pétroliers, etc. C'est-à-dire en pleine période des 30 Glorieuses, machin. Donc, on est censé subir le piratage, machin. L'industrie du divertissement est censée être complètement en crise, machin truc. Et en fait, c'est que du flan. Le cinéma, c'est jamais aussi bien. Le cinéma, au moins en tout cas en France, au niveau de la fréquentation dans les salles de cinéma. Hein, je parle des fréquentations dans les salles de cinéma, confirme la fréquentation record. Voilà, c'est juste vraiment une arnaque, cette histoire. Non, je pense pas. C'est juste qu'on mange pas assez de popcorn. Ouais, peut-être aussi. Ouais. Peut-être aussi. Ouais. Mais il y a déjà des études, de toute façon, qui sont sorties, qui ont montré qu'il n'y avait pas de lien entre le piratage et la fréquentation des ciné, et que même des fois, au contraire, c'était ceux qui faisaient plus d'entrées au cinéma qui étaient le plus téléchargés ensuite, en fait. Bah oui. C'était pas contradictoire, quoi. Bah parce qu'en fait, le fait de télécharger un film ou la discographie d'un artiste donne envie d'aller voir les nouveaux films du même réalisateur, ou d'aller voir les films dans le même genre, ou d'aller voir l'artiste en concert, voire d'acheter ses disques suivants, voire les disques d'après, etc., les artistes du même genre. Bref, la consommation de culture pousse à la consommation de culture. C'est un cercle vertueux. Le téléchargement, c'est quelque chose de bien, en fait. J'aurais pas osé celle-là, perso, mais ok. non, mais il faut aussi voir que beaucoup de gens qui téléchargent essayent de s'affranchir du temps d'attente de 6 mois entre la sortie ciné et la sortie DVD, alors qu'il y a certainement un grand nombre de films qu'on va pouvoir aller voir, qu'on va vouloir voir, mais pas forcément payer 10€ pour le voir dans une salle de ciné. Oui. Films qui valent pas le coup d'être vus au ciné, tout simplement. Bah oui, voilà. Et puis tout ça pour l'exception culturelle française, quoi. Pour aller voir des films avec Clovis Cornillac et Audrey Tautou. Next. Ok, d'accord. J'ai rien dit. Pardon aux familles, tout ça. tu peux. C'était nul. Donc, rubrique N'ayez pas peur, faites-nous confiance. Alors là, j'ai un gros dossier, machin, que j'ai mis tout l'après-midi à préparer, donc je vais quand même le faire et tout. Alors, la loi Adopi, parce que vu qu'on en parle, machin. Donc, c'est un fonctionnement très simple. Je vais vous faire le backup, vraiment on va revenir vraiment au début pour vraiment expliquer, parler aux Françaises et aux Français de manière simple, comme disait Ségolène. La Adopi, c'est très simple. Il y a des polices privées qui sont mandatées par l'industrie du divertissement, qui surveillent les réseaux d'échange de fichiers et qui transmettent les dossiers à la Adopi. La Adopi met alors un nom sur les adresses IP. Donc les adresses réseau détectées par les polices privées. On met un nom sur les adresses IP, et derrière, on transmet pour condamner. Les dossiers sont pas vérifiés par la Adopi, il y en a trop, machin, puis c'est compliqué. Et puis surtout, il n'y a pas de preuves, donc on peut pas vérifier quoi que ce soit quand il n'y a pas de vraies preuves. Ce qui fait que les polices privées des majors sont en fait un maillon essentiel de systèmes de répression massive. C'est-à-dire que à partir du moment où le dossier de la police privée fait foi, bah, y a intérêt que ça soit un putain de dossier qui soit bien fait et qui soit pas voilà soumis à des aléas machin. Tiens, machin, il a dragué ma copine, alors paf, je lui mets un dossier à la Hadopi, etc., etc. Le genre d'abus. Auquel on peut s'attendre dans une société humaine, tout bêtement. Bon, historiquement, tout ça, ça se base sur des modifications successives aux lois, notamment une modification importante en août 2004 de la loi Informatique et Liberté, la fameuse loi de 78. Donc une révision en août 2004 de la loi Informatique et Liberté qui a permis à la CNIL d'autoriser le recours à des milices privées pour surveiller l'activité des réseaux de partage d'informations. Alors, en avril 2005, conformément à ces nouvelles prérogatives, la CNIL a autorisé le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, autrement dit les éditeurs de jeux vidéo et Microsoft et quelques autres, à engager des polices privées pour s'occuper des pirates. À l'époque, on parlait pas encore du système de riposte graduée, c'est arrivé plus tard en 2007-2008. En décembre 2007, c'était au tour de l'industrie du disque d'obtenir cette autorisation. Ce qui débouchera en juin 2010 sur l'adoubement d'une entreprise unique comme milice à la solde de l'industrie du divertissement en France, Trident Media Guard. Donc, basé à Nantes, Trident Media Guard, donc TMG, est donc en charge de surveiller les réseaux de partage de pair à pair, essentiellement Emule et BitTorrent, sur la base d'une liste de fichiers, vidéo, audio, etc., transmises directement par ses clients de l'industrie du divertissement. Si une source partage l'un des fichiers de cette liste, son adresse IP, donc son adresse réseau, est automatiquement repérée et collectée, puis envoyée à la Hadopi. Alors, ça suppose, d'une part, le déploiement d'un certain nombre de sondes sur les réseaux de partage, forcément, hein, il faut qu'on puisse détecter, donc on met des sondes, et d'autre part, une connexion directe avec le système d'information de la Hadopi. Donc des sondes sur les réseaux et un lien direct avec une connexion sur le système de la Hadopi. Il faut garder ces deux petits éléments en tête pour la suite. Donc vendredi 13 dernier, hein, donc c'était vendredi 13, machin, bon, voilà. Hein, le site web reflet.info, donc reflet.info, c'est un site web relativement récent, mais on y retrouve Bluetooth, Quittez-toi, Fabrice Épelleboin, etc. Donc, bon, un site web qui monte en ce moment et qui tape là assez dur hein, avec ce scoop-là. Donc reflet.info révélait que des données importantes étaient en libre service public sur l'un des serveurs web de TMG. Les données en question, c'était un fichier exécutable, un mot de passe en clair dans un fichier de configuration, des empreintes de fichiers torrent d'œuvres surveillées dans le cadre de la loi Hadopi, des scripts de traitement de log, des adresses IP correspondant aux personnes connectées, etc., etc. Donc des adresses IP, hein, on note des informations qui sont considérées comme informations personnelles. Reflet.info, à ce moment-là, donc vendredi 13, ne diffuse pas les fichiers en question et n'indique pas la source de l'information. Je vous fais l'historique un petit peu de tout ça. Reflet.info a fait enfler la polémique dès le lendemain, avec un article un peu plus posé, mettant en avant les enjeux sociaux et politiques de ce scoop, notamment avec un article « Hadopi, riposte graduée et le fail annoncé de TMG ». Logiquement, l'info a fait le tour du web pendant le week-end. Dès le dimanche, Numérama publie également son analyse après un contact auprès de la CNIL qui déclare alors, je cite, prendre l'affaire très au sérieux et ordonner une enquête dans la semaine, mais sans vouloir pour autant remettre en cause le principe de collaboration avec des polices privées. C'est-à-dire que en gros, le vendredi 13, on se rend compte qu'il y a des adresses IP de gens, notamment certains de citoyens français, parce qu'il n'y avait, pas que des Français impactés, il y avait également des personnes d'autres pays, mais il y avait des données françaises qui étaient fuitées par une entreprise privée, qui était censée avoir un devoir de sécurité. Je veux dire, c'est des informations privées, machin, protection de la vie privée, truc. Donc c'est quand même assez énorme comme histoire. Le lendemain, la Hadopi annonce avoir coupé la connexion informatique la reliant en TMG. Ce qui casse en fait le traitement automatisé de la Hadopi. Parallèlement, TMG publie un communiqué pour expliquer que les données lui ont été piratées, mais que ça n'a rien de grave parce que c'est des données de test. C'est rigolo, c'était des adresses IP de test avec des gens de test, des êtres humains de test, pour des données de test sur des serveurs de test. Et bien entendu, derrière, l'industrie du divertissement embrace immédiatement en clamant qu'il n'y a pas de problème, faut éteindre l'incendie et tout. L'excuse du serveur de test n'a bien entendu convaincu personne. Derrière, tout le monde s'est demandé, mais c'est quoi ce délire? Mardi 17 mai, la CNIL vient procéder à un contrôle dans les locaux de TMG, à Nantes, Parce que forcément, la CNIL a les boules. C'est elle qui a autorisé, et qui a donné un agrément en TMG pour faire ces conneries. Donc là, c'est un peu les boules pour tout le monde. Jeudi 19 mai, TMG, qui est sous le coup d'une triple enquête pour la fuite des données personnelles qu'elle vient de subir, annonce avoir porté plainte pour piratage informatique. Ça, c'est un comble. Piratage informatique alors que les données étaient librement accessibles sur Internet à cause d'une erreur technique de leur part. C'est n'importe quoi. Donc TMG ben, retire sa plainte le lendemain matin. Donc voilà. Voilà. Donc la TMG accepte d'être vraiment dans la merde. Et ils disent voilà, on a fait les cons, désolé, c'est notre faute. Enfin, on retire leur plainte. Et pour terminer, donc vendredi 20 mai, donc avant-hier, et là on est vraiment dans la grosse claque. Une semaine jour pour jour après le début de l'affaire, le fameux Cult of the Dead Adopi, déjà connu pour son analyse du mystérieux logiciel de sécurisation qu'Orange avait tenté de vendre avant de le retirer à cause de l'analyse de ce logiciel qui était paru sur le web. On en avait parlé dans Random, c'était un logiciel de sécurisation bidon qui avait fait bien rire tout le monde et qui s'était retrouvé analysé de haut en bas par ce fameux Cult of the Dead Adopi. Bref, voilà. Donc il publie tout, il balance tout sur une liste de diffusion publique. Parce qu'en fait, si on se souvient bien, Reflet.info n'avait rien publié d'important, juste des indices permettant de crédibiliser l'information qui avait été publiée. Par contre, le Cult of the Dead Adopi est beaucoup moins indulgent. Il publie en bloc l'adresse IP du serveur, qui est 91.189.104.82. Vous pouvez essayer, il n'y a plus rien. Mais aussi les adresses IP de TMG, dont certaines étaient publiques, d'autres l'étaient un petit peu moins. Et je rappelle qu'il n'est pas illégal de bloquer les adresses IP sur nos propres réseaux privés à nous. Si on veut bloquer les adresses IP de la police ou de Trident Media Guard, ben, on a tout à fait le droit de le faire. C'est pas illégal. Il publie aussi quelques infos sur l'entreprise et sur les personnes qui la dirigent, ainsi que l'intégralité des données qui étaient librement disponibles sur les serveurs de TMG, ce que Bluetooth n'avait pas publié au départ. Avec ça, il publie une analyse plutôt corsée, faut bien le dire, du logiciel qui s'y trouvait. C'était un vieux truc en Delphi, absolument pas sécurisé, bref, voilà, vraiment la honte. Donc voilà, TMG, vraiment n'importe quoi, et c'est une police privée avalisée pour condamner. Hein. Il y a des condamnations qui peuvent émaner de cette entreprise-là. Et en plus, les gens sont condamnés pour négligence caractérisée, c'est-à-dire vous n'avez pas sécurisé votre ligne. Oui. Et c'est des gens qui sont même pas capables de sécuriser leur infrastructure là, qui viennent nous condamner de. Et puis qui d'ailleurs essayent de faire croire que non, c'est des méchants pirates qui leur en veulent. C'est des données de test. C'est des données de test. Alors qu'il y a des journalistes qui ont regardé vite fait les données comme ça sans aller trop loin. Ils sont tombés sur un abonné de chez Orange qui habite à Marseille et qui a une version d'un film qui va sortir que dans un mois. C'est du test. Oui, c'est vraiment. C'est voilà, tu vois, c'est. Bref, du gros foutage de gueule bien dans les règles de l'art. Avec derrière le soutien de l'industrie, la CNIL qui essaye de faire style, ouais, on n'était pas au courant, machin. La Adopi qui fait style, on n'était pas au courant. Bref, il va y avoir une enquête et tout ça va encore coûter du pognon et tout ça pour un truc, voilà, qui était, on l'avait annoncé dès le départ, tout le monde l'avait dit, la Adopi ça marchera pas. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça marche pas. Bref, que penser de toute cette histoire ? Alors, Numérama a balancé un petit article intéressant où il se pose quelques questions intéressantes, mettant en exergue l'incohérence totale du système Adopi. D'un autre côté, la sortie du Cult of the Dead Adopi pose à nouveau une question essentielle. Pour qu'une démocratie fonctionne, il faut la séparation des pouvoirs. Et la séparation des pouvoirs, bah, jusqu'à preuve du contraire, ça nécessite la possibilité de surveiller les surveillants. Et Trident Media Guard, bah, c'est dans une opacité la plus totale, et voilà ce qui arrive. Quand on laisse les gens faire dans leur coin, en engrangeant du profit. Dernière petite chose, et on va conclure là-dessus avant de passer à l'interview, parce que on va se retrouver ric-rac en time sinon. La Adopi devra rendre une décision d'ici un mois concernant TMG. Ils ont annoncé qu'ils sont engagés pour un délai d'à peu près 3 à 4 semaines. Ce ridicule feuilleton Adopi n'en finira donc décidément jamais. Voilà. Deux mots sur Sony rapidement. Sony en fait, bon, vous êtes au courant, leur ce PSN Gate là, le grand centre PlayStation Network où on se connecte pour jouer, etc. Où vous avez vos comptes, etc. C'était fait pirater. Et en fait, il s'avère que ils en ont parlé dans l'écho des gnous, je crois. Il s'avère que c'était juste Apache, le serveur web qui n'était pas à jour et le serveur qui faisait tourner ce serveur web n'avait pas de firewall non plus. Donc, ouais, une négligence caractérisée également. Ouais, sauf que là, il y a quand même des données bancaires, machin, machin. Voilà, comme on en avait parlé il y a 15 jours, avec toutes les conséquences que ça a eues. Donc voilà, ils ont remis en service petit à petit le machin, puis voilà quoi. Et puis je crois qu'il y a eu une deuxième faille, ils ont pas fini de nous faire rigoler du côté de Sony aussi. Voilà, l'interview. Interview, allons-y, un quart d'heure. Ça me va. Ça te va, je suis désolé. Non, au contraire, au contraire. Donc les rencontres des solutions de sécurité et d'informatique libre organisée par l'association Akissi, ça aura lieu à Maubeuge les vendredis 27 et samedi 28 juin prochain. Nous recevons Corette. Ben je t'invite premièrement à te présenter. Qu'est-ce que tu fous là, quitter Qu'est-ce que je fous là? J'ai vu de la lumière, je suis rentré. C'est ça. J'ai vu de la bière. J'ai vu de la bière, je suis resté et je t'ai entendu parler. Je suis rentré dans le studio et je me suis dit, je vais m'asseoir pas très loin de cette petite lumière Attention, rouge. Attention, je suis très sensible à la flagornerie. Ah, je suis l'un des organisateurs du salon des RSSIL, donc des rencontres des solutions de sécurité et d'informatique libre, donc qui auront donc lieu, comme tu l'as dit, les vendredis 27 et samedi 28 mai prochain, donc c'est la semaine prochaine, vendredi, samedi. Et ça se passe à Maubeuge, dans notre belle région du Nord, dans le sud du département. Ne vaut pas. Le clair de lune et les RSSIL à Maubeuge. Maubeuge. Il n'est plus là pour modifier sa chanson. On en fera une version tout à fait personnelle. C'est un événement organisé dans la joie et la bonne humeur, un peu comme cette émission de radio. Dans la joie et la bonne humeur, avec un peu de bière. Donc, avec un peu de bière. Tu peux venir, tu ne seras pas dépaysé. Sur deux jours où on a en fait pas mal de sous-événements en tout cas. Le premier, c'est un contest de hacking, c'est ce qui intéressera le plus nos auditeurs de ce soir, c'est le contest de hacking, donc c'est des équipes qui sont installées, on en est à 14 équipes. 16 ? 14. 14 équipes me fait signe, mon assistante. On me souffle dans l'oreillette. On me souffle dans l'oreillette, 14 équipes d'éthique à la cœur qui vont se mesurer sur des épreuves qu'on aura développées pour eux. Et le but, c'est d'arriver à montrer et à déjouer des technologies ou des techniques de sécurité qui ont été mises en place en laissant une petite porte d'entrée pour ces gens-là. On a aussi un challenge qu'on appelle le trophée Syntec des IUT, où des étudiants qui sont en Bac plus 2, en DUT informatique, vont s'affronter pour programmer des épreuves, des sites internet et faire un petit peu de sécurité également, pour essayer de démontrer aux visiteurs qui seront là dans la salle et qui viendront à la remise des prix le samedi, que même quand on n'a qu'un... Dans un pays comme la France où on a une diplômite aiguë, même quand on n'a qu'un bac plus 2, on est capable de faire énormément de choses. Tout ça sur 3 épreuves de 8 heures, donc développer un site web, développer une application, tout ça. Et puis après, bien sûr, pour le cursus sécurité, il y a les exposants. Les exposants, cette année, on a voulu faire des ateliers, des choses pratiques pour démontrer aux gens, pour montrer aux gens, pour les inviter à bidouiller et à prendre la main sur les PC pour qu'ils puissent expérimenter par eux-mêmes. Donc on va faire des ateliers de démonstration et de mini-formation, notamment l'un d'entre eux, c'est sur les technologies GSM, pour dire que ces magnifiques conférences qui ont eu lieu au CCC l'année dernière à Berlin en décembre, ou même au DEFCON à Vegas, ça reste pas au DEFCON ou à Berlin, mais ça puisse venir aussi chez monsieur et madame Michu pour qu'on puisse leur démontrer que leur téléphone portable... Bah, il faudrait peut-être qu'ils y fassent attention un petit peu. Quoi. Et puis que les opérateurs et les constructeurs de matériel GSM se foutent un peu de la gueule du monde. Les opérateurs. Hein, les opérateurs. Les opérateurs et les constructeurs également, avec toute cette opacité qui règne sur la norme GSM qu'on ne peut donc pas auditer, contrairement à du logiciel libre. Je pense que vous avez déjà fait assez la remarque dans Random. On en avait parlé, c'était il y a quelques temps, au début de l'année, je crois, sur l'algorithme A5.1 et l'historique un peu de l'algorithme A5.1 et A4, je crois, mais A5.1 surtout. A5.1 et A5.2. C'est des choses qui sont complètement, complètement opaques, qu'on ne peut vraiment pas auditer, dont les documentations font à chaque fois des milliers de pages et qui sont imbuvables. Ce qui veut dire qu'en fait, on est, en tant que citoyenne et citoyen, obligé de croire sur parole des industriels. On est prisonnier de ces industriels même. Parce qu'il est impossible aujourd'hui de développer. Alors, on peut développer son propre ordinateur, c'est extrêmement simple en fait. C'est à base de composants électroniques, on pourrait très bien le faire. Par contre, un téléphone portable, impossible, puisque la norme GSM, on n'y aura pas accès. Donc ça veut dire on peut à la limite fabriquer des trucs qui vont ressembler à des téléphones portables, éventuellement monter des réseaux parallèles voilà. avec une technologie qui va ressembler à GSM comme deux gouttes d'eau mais qui sera pas GSM. Par contre, être interopérable pour se connecter au réseau GSM, donc au téléphone portable de tout le monde, ça sera à partir d'un téléphone portable bricolé, on ne pourra pas le faire. Et de toute façon, même si on le fait, on viole des brevets. Voilà, aujourd'hui, on peut le faire. On peut violer des brevets dans une norme de technologie sans fil qui s'appelle le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est une norme ouverte et l'utiliser requiert le paiement de certaines royalties, de certaines taxes et de certaines déclarations paperasses. Hein. Pour le GSM, on ne peut pas. On peut pas, même on payera les royalties, on payera les taxes, on fera les déclarations, mais là, dans un 3 gus dans un garage, ils peuvent pas inventer le nouveau téléphone portable. D'accord, donc du coup, des ateliers sur GSM, côté vraiment sécu ou côté vraiment plus le proto et la norme? Côté sécu, on va démontrer aux gens un petit peu ce qu'on peut faire, comment on peut sniffer leur SMS dans un rayon de 3-4 km² autour de nous. D'accord. Alors, on va reparler un petit peu des conséquences éthiques, machin, parce que tu as parlé de ethical hacker et ethical hacking, et c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé dans Random depuis 2 ans. Donc, ce sera peut-être un peu l'occasion de toucher du doigt ce sujet-là. Contest sécurité informatique, trophée, challenge, école, IUT. Troisièmement, atelier. Quatrièmement, conférence. Et cinquièmement, exposition. Alors, stand. Les expositions, stand et atelier, c'est la même chose. C'est dans le parc des expositions. On va essayer de guider les gens à travers les ateliers, à travers les démonstrations, à travers les expositions pures et simples. Et puis, bien sûr, il y a le fameux plateau TV qu'on invite tous les ans maintenant. Un plateau TV professionnel quand même pour filmer les conférences qui auront lieu les 2 jours aussi cette année. Avec la présence de Eric Filliol, Anthony Desnos, Robert Herra. Eloi van der Becken pour faire des démonstrations sur des conférences sur les mobiles Android, sur la cryptanalyse actuelle et moderne, pour faire du dépassement de piles ou des dépassements d'antilles de protection. Ce sera Eloi qui nous fera cette démonstration là vendredi soir, plus un atelier qui sera répété sur quelques découvertes qu'ont fait de simples étudiants, finalement, des étudiants de sécurité informatique à Maubeuge, qui ont des découvertes qu'ils ont fait sur les Livebox, les Freebox, les Neufbox. Alors, attends, parce que là, t'es en train de dire un truc. Je connais la réponse, machin, c'est de la question rhétorique. Hein. Mais on fait de la radio, les gens savent pas. T'es en train de dire que tu montes un événement d'une certaine importance et qui existe depuis un certain temps, ce qui veut dire qu'il a une certaine légitimité, à Maubeuge. Alors, bah ouais, ça pose un problème parce qu'en fait, on a pas de Disneyland, nous, à Maubeuge. Donc, il y a des choses qu'on peut pas forcément organiser dans un Disneyland. Hein, on peut pas tous se permettre. Alors, on a essayé de faire se déplacer Parc Astérix ou de foutre l'événement à Walibi, un petit peu côté belge. Hein, ils nous ont toujours très bien accueillis. Non, on va faire ça à Maubeuge, ouais. Pourquoi à Maubeuge? Parce qu'il y a un nid de hackers à Maubeuge, de toute façon. Nous, on y a installé l'association, la première formation publique en France sur le hacking, public et pratique, pas simplement on vous parle et vous lisez des bouquins, non, c'est vous mettez les mains dans le cambouis, c'est près de 80% d'intervenants professionnels qui viennent faire des démonstrations et des interventions techniques et pragmatiques. Donc à Maubeuge, on a commencé à construire un pôle de sécurité informatique. L'événement, il est très bien à Maubeuge, on est desservi par la route. Ce que je voulais dire, c'est que sur l'aspect machin, Paris, ou les grandes villes, Toulouse, Rennes, Lille, machin, et toi, t'arrives à faire un truc qui a quand même une certaine importance et qui a gagné un certain respect au fil du temps, le tout dans une petite ville, enfin dans une ville d'une certaine importance, mais qui n'est pas non plus une grande métropole. Comment t'as fait ? C'est du travail, hein. C'est de la réputation, c'est du soutien. Nous on est soutenu, financé par la région, parce qu'il faut bien louer la salle, le matériel, installer tout ça. Et puis surtout, c'est énormément de relationnel avec les gens qui vont venir, les dizaines d'intervenants qui vont être là, le sont par amitié avec nous, par amitié avec les organisateurs et par amitié avec pour le plaisir d'être là. C'est vraiment un événement différent, non commercial. C'est pas le stick, quoi. C'est vraiment c'est comme ça qu'on c'est quasiment un événement alternatif en France sur la sécurité, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Bon, comme on l'a dit, c'est pas organisé par une société privée, c'est pas à Disneyland. Je tisse pas de lien de direct avec un autre événement, mais voilà, il n'y a rien de caché chez nous. C'est vraiment un événement alternatif sur la sécurité informatique venu par le monde du hacking et supporté par le monde du hacking. Le tout, en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'aspect bande de potes il y a 10 ans. Qui monte un truc à Maubeuge et qui derrière réussit à monter un gros truc qui commence à être reconnu, machin. C'est ça, hein, c'est un travail de longue haleine. C'est comme tu dis, une bande de potes. Il y a tout juste un peu moins de 10 ans, mais c'est ça, c'est un travail. Tous les ans, on rajoute une pierre. Tous les ans, on s'améliore, on change, on suit. On essaye d'évoluer par rapport à l'édition précédente, d'améliorer, d'inviter de nouvelles personnes. Pour cibler et puis pour satisfaire finalement le public qui lui change en fait tout simplement d'une année à l'autre. On n'a pas envie de revoir deux fois la même démonstration. On avait une présence sur le logiciel libre beaucoup plus forte avant. Aujourd'hui la présence sur le logiciel libre est acquise. On continue de promouvoir le logiciel libre et d'inviter nos visiteurs à venir sur le logiciel libre. Maintenant, il faut aussi qu'on insiste sur le côté sécurité, parce que ce qui se passe aujourd'hui, notamment avec une société à trois lettres dont tu parlais tout à l'heure, ça touche le grand public. Et si le logiciel libre, on parlait d'être ouvert, d'être audité par les développeurs, si on parlait d'être transparent, aujourd'hui, il y a la sécurité informatique où il va falloir être beaucoup plus proactif, même chez les particuliers. Ben, et se former, être au courant des enjeux. Hier, on n'avait pas d'obligation de résultat. Aujourd'hui, le particulier, grâce à TMG, grâce à Adopi et grâce à Sony, on a une obligation de résultat en tant que particulier. Alors pour nous, qui sommes informaticiens ou dans les disciplines associées, ça va. Maintenant, pour Madame Michu, je suis pas convaincu qu'elle puisse satisfaire à cette obligation. C'est sûr, Madame Michu ou Monsieur Michu. Monsieur Michu. Donc j'entends bien l'aspect machin. On n'a pas besoin d'être dans une grande ville ou d'être 50, d'être un gros collectif de 50 personnes pour réussir à faire des trucs. On peut être dans une ville d'importance moyenne, dans un département, dans une zone un petit peu compliquée au niveau social, et réussir pourtant à faire des trucs vachement bien. Il y a Matt qui confirme par son sourire que Maubeuge est effectivement une zone qui a... Attends, moi je viens du bassin minier, mon gars, et je sais ce que c'est. Je viens de Maubeuge. Non, mais attention. Ouais, on n'a pas besoin... Il faut rester fidèle à soi-même et simplement à chaque fois qu'on fait une édition, à chaque fois qu'on va sur un salon, que ce soit au CCC, que ce soit... on a pu aller à DEF CON, on a pu aller aux solutions Linux, aux rencontres mondiales du logiciel libre. On est venu au 2600, on a rencontré les gens de chez Dégénérescence. Si à chaque fois qu'on croise des gens comme ça, on reste intègre et on garde nos amis, tous les ans, il y a des gens qui viennent en plus et qui supportent l'événement. Donc on n'a pas besoin d'être 50, mais de toute façon, on n'est pas 50, on est même 500. Là. D'accord. Juste une dernière chose avant de finir, parce qu'il nous reste 3 minutes d'émission et il y a un agenda machin qui, je pense, va être très écourté. Il y a un truc, en fait, qu'on voit un petit peu dans l'affaire TMG, machin, c'est le rôle social du hacker. C'est-à-dire que le hacker a en fait une utilité sociale qui se pointe en tant que vérificateur, de surveillant des surveillants, etc. C'est un petit peu le concept de l'éthical hacking. C'est exactement le concept de l'éthical hacking. À la limite, je reviendrai dans une autre émission de Random et on aura l'occasion d'en discuter, voire d'en débattre un peu plus longuement, parce que là, effectivement, il reste que 3 minutes. Je reviens juste sur ton terme. Tu parles de rôle social, là où moi, je parlerai de rôle citoyen, carrément. Oui, carrément, oui, parce que là, on touche à un geste qui concerne les citoyens, les administrés, pour ceux qui sont maires ou des trucs comme ça. Mais voilà, le peuple français, et quand on dénonce une société privée comme TMG, qui fait de la collecte d'informations et qui les sécurise pas, au même titre que si demain on piratait et qu'on pointait du doigt les manquements de la sécurité sociale, c'est citoyen comme geste, c'est pas simplement social, c'est beaucoup plus fort que ça. Et l'éthical hacking, c'est ça, c'est faire du hacking, 5 gus dans un garage, s'ils veulent nous considérer comme 5 gus dans un garage. La seule différence, c'est le but et c'est la finalité, c'est est-ce qu'on en fait de l'argent ou est-ce qu'on le révèle. Est-ce qu'on en fait du full disclosure? D'accord. Ce qui voudrait dire aussi que hacker, c'est très loin de pirate. C'est très très loin de pirate, bien sûr. Écoute, je te remercie. Les RSSIL, rencontre des solutions de sécurité et d'informatique libre à Maubeuge. Ce sera donc vendredi 27 et samedi 28 mai 2011. à Maubeuge donc. Mardi et mercredi prochain à Paris, il y aura le fameux G8 de l'internet, de la censure d'internet. Trop gros, passera pas. Du vendredi 27 au dimanche 29 mai 2011, il y aura nos amis du Toulouse Hackerspace Factory 2011, donc gros festival hacker machin. Et vendredi 3 juin 2011, il y aura le meeting 2600 Lille, rendez-vous comme d'habitude à 19h30 sur la Grand Place devant l'entrée du Furet du Nord. Toutes les infos sur 2600lille.org. On vous retrouve dans 15 jours pour Random numéro 40. Ciao. Et à la semaine. Et dans 2 semaines. Au revoir.